Chapitre 19e. Madeleine ne douta pas un moment que le héros du duel dont elle avait été le témoin invisible, que son blond archange, qu'en un mot, l'idéal de sa passion et Franz l'objet de la passion d'Antonine, ne fussent qu'un même personnage. À cette brusque découverte, la marquise ressentit une commotion profonde. Jusqu'alors, cet amour entouré de mystères et d'inconnus, cet amour vague et charmant comme le souvenir d'un doux rêve, avait suffi à remplir son cœur au milieu des agitations de sa vie, rendue si bizarre par le calme de ses sens glacés, comparé aux folles ardeurs qu'involontairement elle inspirait sans les ressentir. Jamais Madeleine n'avait pensé que son idéal pût partager l'amour d'une autre femme, ou plutôt jamais sa pensée ne s'était arrêtée sur ce doute. Pour elle, son radieux archange était muni de belles ailes blanches qui devaient le ravir à tous les yeux dans les plaines infinies de l'éther. Sans cesse assaillie de sollicitations très peu platoniques, elle éprouvait une joie, un délassement moral ineffable à s'élever parmi les régions immatérielles où ses yeux éblouis et charmés voyaient planer son idéal. Mais soudain, la réalité avait coupé les ailes de l'archange, et déchu de sa sphère céleste, il n'était plus qu'un beau jeune homme épris d'une jolie fille de 15 ans qu'il adorait aussi. À cette découverte, Madeleine éprouva d'abord une sorte de tristesse, ou plutôt de mélancolie douce, semblable à celle qui suit le réveil d'un songe enchanteur, car pour éprouver les tortures de la jalousie, il faut aimer charnellement. Madeleine ne pouvait donc pas être jalouse d'Antonine. Enfin, si Franz avait presque toujours occupé la pensée de Madeleine, il n'avait eu aucune part dans sa vie. Il ne s'agissait donc pas pour elle de rompre ces mille liens que, d'habitude, la sympathie, la confiance rendent si chers. Cependant, elle se sentit en proie à une inquiétude croissante, à de pénibles pressentiments dont elle ne se rendait pas compte. Soudain, elle tressaillit et dit « Si la fatalité voulait que ce charme étrange que j'exerce sur presque tous ceux qui m'approchent agit aussi sur Franz, si cette impression, j'allais la partager en la voyant vivement ressentie par le seul homme qui ait jusqu'ici occupé mon cœur et ma pensée. » Puis tâchant de se rassurer en faisant appel à son humilité, Madeleine se dit « Mais non, Franz aime trop Antonine, c'est son premier amour. La candeur, la sincérité de cet amour le sauvegarderont. Il aura pour moi cette froideur que j'éprouve pour tous. Oui, et pourtant qui me dit que mon orgueil, que mon amour peut-être, ne se révolteront pas de la froideur de Franz? Qui me dit qu'oubliant les devoirs d'une amitié sainte, presque maternelle, pour Antonine, je n'userai pas de toutes les ressources de l'esprit et de la séduction pour vaincre l'indifférence de Franz? Oh non, ce serait odieux. Et puis, je m'abuse. Encore une fois, Franz aime trop Antonine. Hélas, le mari de Sophie l'aime tendrement aussi et je crains que... » Ces réflexions de la marquise avaient été interrompues par les éclats de voix de l'archiduc qui ordonnait à Pascal de sortir. Prêtant alors l'oreille à cette discussion, elle s'était dit « Après avoir mis cet homme à la porte, le prince va venir. Occupons-nous du plus pressé. » Tirant alors de sa poche un agenda, la marquise détacha l'un de ses feuillets et traça quelques lignes au crayon, plia le papier, le ferma au moyen d'une épingle. Après avoir écrit sur l'adresse pour le prince, elle posa ce billet, bien en évidence, sur une table de marbre placée au milieu du salon, remit son chapeau et sortit, nous l'avons dit, peu de temps avant le départ de M. Pascal. Pendant que l'archiduc, stupéfait et désolé de ne pas trouver la marquise, ouvrait avec une angoisse inexprimable le billet laissé par elle, celle-ci se rendait chez Antonine, où Sophie Dutertre devait se trouver aussi. À son arrivée chez le président Hubert, introduite dans un modeste salon, la marquise y fut reçue par Sophie Dutertre qui, courant à elle, lui dit avec anxiété « Eh bien, Madeleine, tu as vu le prince ?»« Oui, et j'ai bon espoir. Il serait possible ?» Possible, oui, ma chère Sophie, mais voilà tout. Je ne veux pas causer de folles espérances à cette pauvre enfant. Où est-elle? Auprès de son oncle. Heureusement, la crise de ce matin paraît avoir des résultats de plus en plus satisfaisants. Le médecin vient de dire que si ce mieux continue, M. Hubert sera peut-être ce soir hors de danger. Dis-moi, Sophie, crois-tu que M. Hubert soit en état de recevoir une visite ? De qui ? D'un certain personnage. Je ne puis maintenant t'en dire plus. Je crois que oui, car un des amis de M. Hubert sort d'ici. Seulement, le médecin lui avait recommandé de ne pas rester trop longtemps afin de ne pas fatiguer le malade. C'est à merveille. Et Antonine, pauvre petite, elle doit être dans une inquiétude mortelle. Pauvre chère enfant, elle fait pitié. C'est une douleur si naïve, et à la fois si douce et si désespérée, que j'en ai le cœur navré. Tiens, Madeleine, je suis sûr qu'elle mourrait de chagrin s'il lui fallait renoncer à Franz. Ah, mieux vaut la mort que certaines souffrances, ajouta Sophie avec un accent si profondément triste que les larmes lui coulèrent des yeux. Puis, les essuyant, elle ajouta « Oui, mais quand on a des enfants, il faut vivre. » Madeleine fut si frappée de l'accent de Madame Dutertre, de sa pâleur qu'elle n'avait pas remarquée, des pleurs qu'elle lui voyait verser, qu'elle lui dit « Mon Dieu Sophie, qu'as-tu donc ? Pourquoi ces pénibles paroles ? Pourquoi ces larmes ? Hier, je t'avais laissée calme, heureuse, sauf, m'as-tu dit, quelques préoccupations causées par les affaires de ton mari. Y a-t-il aujourd'hui quelque chose de nouveau ? Non, non, je ne le pense pas, répondit Madame Dutertre avec hésitation. Mais depuis hier, ce sont moins les préoccupations d'affaires de mon mari qui m'inquiètent que... Achève. Non, non, je suis folle, reprit Madame Dutertre en se contraignant et semblant refouler quelques paroles prêtes à lui échapper. Ne parlons pas de moi, parlons d'Antonine. Je suis si émue du désespoir de cette pauvre enfant qu'on dirait que ses peines sont les miennes. Sophie, tu ne me dis pas la vérité. Je t'assure, je te trouve pâle, changée. Oui, depuis hier, tu as souffert, beaucoup souffert, j'en suis sûr. Mais non, reprit la jeune femme, mettant son mouchoir sur ses yeux, tu te trompes. Sophie, dit vivement Madeleine en prenant entre les siennes les mains de son amie, tu ne sais pas combien ton manque de confiance m'afflige. Tu me ferais croire que tu as à te plaindre de moi. Que dis-tu ? S'écria Sophie, désolée de ce soupçon. Tu es, tu seras toujours ma meilleure amie. Et si je ne craignais de te fatiguer de mes doléances ? Ah, encore ! Reprit la marquise d'un ton d'affectueux reproche. Pardon, pardon, Madeleine, mais en vérité, ne suffit-il pas de confier à ses amis des peines réelles, sans les attrister encore par l'aveu de pressentiments vagues, mais souvent bien douloureux pourtant ? Voyons, Sophie, chère Sophie, ces pressentiments. Depuis hier. Mais encore une fois, non, non, je vais te paraître folle. Tu me paraîtras folle, soit, mais parle, je t'en conjure. Eh bien, il me semble que depuis hier, mon mari est sous l'empire de je ne sais quelle idée fixe qui l'absorbe. Des préoccupations d'affaires, peut-être. Non, non, il a autre chose, et c'est cela qui me confond et m'alarme. Qu'as-tu donc remarqué ? Hier, après ton départ, il était convenu qu'il ferait deux démarches d'une grande importance pour nous. Voyant l'heure s'écouler, je suis allé dans notre chambre, où il s'était rendu pour s'habiller. Je l'ai trouvé encore avec ses vêtements de travail, assis devant une table, son front appuyé sur sa main. Il ne m'avait pas entendu entrer. « Charles, lui dis-je, mais tu oublies l'heure. Tu as à sortir. »« Pourquoi sortir ? » me demanda-t-il. « Mais mon Dieu, pour deux démarches très urgentes, pour tes affaires. » Et je les lui rappelais. « Tu as raison, me dit-il, je n'y pensais plus. »« Mais à quoi songeais-tu donc, Charles ? » lui ai-je demandé. Il a rougi, apparu embarrassé, et ne m'a rien répondu. « Peut-être a-t-il un projet ? » Une résolution qu'il médite et qu'il ne croit pas encore devoir te confier ? C'est possible. Et pourtant jamais il ne m'a rien caché, même ses projets les plus vagues. Non, non. Ce ne sont pas ses affaires qui le préoccupent. Car hier soir, au lieu de causer avec son père et moi d'un état de choses qui, je dois te l'avouer, Madeleine, est plus grave que je ne te l'ai dit, Charles nous a entretenus de choses tout à fait étrangères à ce qui devait le préoccuper. Et là seulement, je n'ai pas eu le courage de le blâmer, car il nous a surtout parlé de toi. De moi ? Et qu'a-t-il dit ? Que tu avais été pour lui rempli de bienveillance hier matin. Puis il m'a demandé mille détails sur toi, ton enfant, sur ta vie. je lui ai répondu avec bonheur, comme tu penses bien, Madeleine. Et puis soudain il est retombé dans un morne silence, dans une sorte de méditation si profonde que rien n'a pu l'en tirer, pas même les caresses de nos enfants. À ce moment, le vieux domestique de M. Hubert, qui était connu de Mme Dutertre, entra d'un air surpris, affairé, et dit à Sophie « Madame, Mademoiselle Antonine est auprès de monsieur, sans doute. Oui, Pierre, qu'y a-t-il ? Mon Dieu, madame, ça m'a très étonné et je n'ai su que répondre. Voyons, Pierre, expliquez-vous. Voici, madame. Il y a là un officier étranger, probablement un de ceux de la suite du prince qui habite maintenant l'Élysée. Ensuite, cet officier a une lettre qu'il veut remettre lui-même, dit-il, entre les mains de monsieur le président, qui devra donner une réponse. J'ai eu beau dire à cet officier que monsieur était bien malade, il m'assurait qu'il s'agissait d'une chose très importante et très pressée, et qu'il venait de la part de son Altesse qui occupe l'Élysée. Alors, madame, dans mon embarras, je viens vous demander qu'est-ce qu'il faut faire. » Madame Dutertre, oubliant ses chagrins, se tourna vers Madeleine et lui dit vivement et avec joie « Ton espoir ne t'avait pas trompé. Cette lettre du prince, c'est son consentement peut-être à ce mariage. Pauvre Antonine, va-t-elle être heureuse ?»« Ne nous hâtons pas de trop nous réjouir, chère Sophie. Attendons. Mais, si tu m'en crois, va trouver cet officier, un aide-de-camp du prince, sans doute. Dis-lui que M. Hubert, quoiqu'éprouvant un peu de mieux, ne peut cependant le recevoir. Tu prieras l'officier de te confier la lettre, en l'assurant que tu vas la faire remettre à M. Hubert qui donnera une réponse. « Tu as raison, Madeleine. Venez, Pierre, » dit Sophie en sortant accompagnée du vieux domestique. « Je ne m'étais pas trompée, » dit la marquise, restée seule. « Ses regards de M. Dutertre. En vérité, cela est fatal. Mais je l'espère, » ajouta-t-elle en souriant à demi, « dans l'intérêt de Sophie et de son mari. » Je saurai tirer bon parti de cette infidélité vénielle. » Puis, ensuite d'un moment de réflexion, Madeleine ajouta « Le prince est d'une ponctualité rare. Puisse-t-il également avoir égard à l'autre recommandation contenue dans mon billet au crayon ?» Antonine sortit alors de la chambre de son oncle. À la vue de la marquise, la pauvre enfant n'osa faire un pas. Elle resta immobile, muette, tremblante, attendant son sort avec une angoisse mortelle, car Madeleine lui avait promis le matin même d'intercéder auprès du prince. Sophie, alors, tenait à la main la lettre que l'aide-de-camp venait de lui remettre. Elle la donna à Antonine en lui disant « Tiens, mon enfant, porte cette lettre tout de suite à ton oncle. C'est très pressé, très important. Il te donnera la réponse et je la transmettrai à la personne qui attend. » Antonine prit la lettre des mains de Madame Dutertre et jeta un regard de curiosité inquiète sur ses deux amis qui échangeaient un regard d'intelligence et d'espoir contenu. Leur physionomie frappa tellement Antonine que, s'adressant tour à tour aux deux jeunes femmes, elle leur dit « Sophie, Madeleine, qu'y a-t-il ? Vous vous regardez en silence, et cette lettre ? Que se passe-t-il donc, mon Dieu ? Va vite, mon enfant, dit Madeleine, tu nous retrouveras ici. » Antonine, de plus en plus troublée, rentra précipitamment chez son oncle. Madame Dutertre, voyant la marquise baisser la tête et rester silencieuse et pensive, lui dit « Madeleine, qu'as-tu donc ?»« Rien, mon ami. Je songe au bonheur de cette pauvre Antonine, si mes espérances ne me trompent pas. »« Ah, ce bonheur, c'est à toi qu'elle le devra. Avec quelle ivresse elle et M. Franz te rendront grâce. N'auras-tu pas été leur providence ?» Au nom de Franz, Madeleine tressaillit, rougit légèrement, et un nuage passa sur son front. Sophie n'eut pas le temps de s'apercevoir de l'émotion de son amie, car Antonine sortit soudain de la chambre voisine, sa charmante figure bouleversée par une expression de surprise et de joie impossible à rendre. Puis, sans pouvoir prononcer une parole, elle se jeta au cou de Madeleine. Mais l'émotion étant trop vive sans doute, elle pâlit soudain, et les deux amis furent obligés de la soutenir. « Dieu soit loué, » dit Sophie. « Malgré ton trouble, ta pâleur, ma pauvre Antonine, je suis certaine qu'il s'agit d'une bonne nouvelle. » « Ne tremble donc pas ainsi, cher enfant, » reprit à son tour Madeleine. « Calme-toi, remets-toi. »« Oh, si vous saviez, » murmura la jeune fille, « Non, non, je ne puis le croire encore. » La marquise de Miranda, prenant affectueusement les deux mains d'Antonine entre les siennes, lui dit « Il faut toujours croire au bonheur, mon enfant. Mais voyons, explique-toi de grâce. » « Tout à l'heure, reprit la jeune fille d'une voix entrecoupée par des larmes de joie, j'ai porté la lettre à mon oncle. Il m'a dit « Antonine, j'ai la vue bien affaiblie. Lis-moi cette lettre, je te prie. » Alors j'ai décacheté l'enveloppe. Je ne sais pourquoi le cœur me battait d'une force, mais d'une force à me faire mal. Tenez, comme maintenant encore, ajouta la jeune fille, en mettant sa main sur son sein, comme pour comprimer ses pulsations si vives qu'elle fut obligée de s'interrompre un instant. Puis elle reprit. J'ai donc lu la lettre et il y avait... Oh, je n'en ai pas oublié un seul mot. Monsieur le président Hubert, je vous prie, malgré l'état maladif où vous êtes, de m'accorder à l'instant, si cela vous est possible, un moment d'entretien pour une affaire urgente et de la plus haute importance. Votre affectionné Léopold Maximilien. Mais, a dit mon oncle, en se dressant sur son séant, c'est le nom du prince qui occupe maintenant l'Élysée. Je crois, oui, mon oncle, lui ai-je répondu. Que peut-il me vouloir ? A repris mon oncle. Je ne sais, lui ai-je dit en tremblant et en rougissant, car je mentais, et je me reprochais n'avoir pas encore osé lui avouer mon amour pour M. Franz. Alors mon oncle a repris. Il m'est impossible, quoique souffrant, de ne pas recevoir le prince. Mais je ne saurais lui répondre par lettre. Je suis encore trop accablé. Remplace-moi, Antonine, et va écrire ceci. Rappelle-le-toi bien. Monseigneur, ma faiblesse ne me permettant pas d'avoir l'honneur de répondre moi-même à votre Altesse, j'emprunte une main étrangère pour vous dire, Monseigneur, que je suis à vos ordres. Cette lettre, je vais maintenant l'écrire pour mon oncle, reprit Antonine en s'approchant d'un pupitre placé sur une table de salon. Mais dites, Sophie, ajouta la jeune fille avec entraînement, dites si je ne dois pas bénir Madeleine, la remercier à deux genoux. Car si le prince voulait s'opposer à mon mariage avec M. Franz, il ne viendrait pas voir mon oncle, n'est-ce pas, Sophie? Et sans Madeleine, le prince aurait-il jamais consenti à venir? Comme toi, mon enfant, je dis qu'il faut bénir notre chère Madeleine, reprit Mme Duterte en serrant la main de la marquise. Mais en vérité, je le répète encore, Madeleine, tu as donc un talisman pour obtenir ainsi tout ce que tu désires? « Hélas, chère Sophie, reprit la marquise en souriant, ce talisman, si je l'ai, ne sert qu'aux autres, pas à moi. » Pendant que les deux amis échangeaient ces paroles, Antonine s'était assise devant le pupitre, mais au bout de deux secondes de vaines tentatives, il lui fallut renoncer à écrire. Sa petite main tremblait si fort, qu'elle ne pouvait tenir sa plume. « Laisse-moi me mettre à ta place, ma chère enfant, dit Madeleine, qui ne la quittait pas des yeux. « Je vais écrire pour toi. »« Pardon, Madeleine, » dit la jeune fille en cédant sa place à la marquise. « Ce n'est pas ma faute, c'est plus fort que moi. »« C'est la faute de ton cœur, pauvre petite. Je conçois ton émotion, » dit la marquise en écrivant d'une main ferme la réponse du président Hubert. « Maintenant, » ajouta-t-elle, « sonne quelqu'un, Antonine, afin que cette lettre soit remise à l'aide de camp du prince. » Le vieux domestique entra et fut chargé d'aller remettre la lettre à l'officier. « À 7 heures, ma petite Antonine, dit la marquise à la jeune fille, il te reste un devoir à remplir, et je suis certaine que Sophie sera de mon avis. Avant l'arrivée du prince, il faut en peu de mots tout avouer à ton oncle. » « Ce que dit Madeleine est très juste, reprit Sophie. Il serait d'un mauvais effet que M. Hubert ne fut pas prévenu du but probable de la visite du prince. Ton oncle est bon et bienveillant, ma chère Antonine, ajouta Madeleine. Il excusera un manque de confiance, causé surtout, je n'en doute pas, par ta timidité. Vous avez raison toutes deux, je le sens, dit Antonine. De cet aveu d'ailleurs, je n'ai pas à rougir, car c'est comme malgré moi, mon Dieu, et sans y songer, que j'ai aimé M. Franz. C'est ce qu'il faut te hâter d'aller confier à ton oncle, mon enfant, car le prince ne peut tarder beaucoup à venir. Mais dis-moi, ajouta la marquise, pour une raison à moi connue, je désirais ne pas me trouver ici lors de l'arrivée du prince. ne peut-on de ce salon aller dans ta chambre ?»« Le corridor sur lequel s'ouvre cette porte, » répondit Antonine, « mène à ma chambre. Sophie connaît bien le chemin. »« En effet, je vais te conduire, Madeleine, » reprit Sophie en se levant ainsi que la marquise, qui, baisant tendrement Antonine au front, lui dit, en lui montrant la porte de la chambre de son oncle, « Va vite, chère petite, les moments sont précieux. » La jeune fille jeta un regard de tendresse reconnaissante sur les deux amies. Celles-ci, quittant le salon, se dirigèrent vers la chambre de Mademoiselle Hubert en suivant le corridor, lorsqu'elles virent venir à elle le vieux domestique qui dit à Sophie « Madame, Monsieur Dutertre voudrait vous parler à l'instant. Mon mari, où est-il ? » ?»« En bas, madame, dans un fiacre, à la porte. Il m'a fait demander par le concierge pour me dire de vous prier de descendre. » « C'est singulier, pourquoi n'est-il pas monté ?» dit Sophie en regardant son ami. « Monsieur Dutertre n'a que quelques mots à dire à madame, » reprit Pierre. Madame Dutertre, assez inquiète, le suivit, et s'adressant à la marquise, « Je reviens à l'instant, mon ami, car j'ai bien hâte de savoir le résultat de la visite du prince à Monsieur Hubert. » Madeleine resta seule. « J'ai bien fait de me hâter, » pensa-t-elle avec une sorte d'amertume. J'ai bien fait de céder à mon premier mouvement de générosité. Demain, il eût été trop tard. Je n'aurais peut-être pas eu le courage de me sacrifier à Antonine. Cela est étrange. Il y a une heure, en songeant à Franz et à elle, je ne ressentais aucune jalousie, aucune angoisse, et seulement une mélancolie douce. Mais voilà que peu à peu mon cœur s'est resserré, s'est endolori. Et à cette heure, je souffre. Oh oui, je souffre bien. La brusque entrée de Sophie interrompit les réflexions de la marquise, et elle devina quelque grand malheur à l'expression sinistre, presque égarée, de Madame Dutertre, qui lui dit d'une voix brève, haletante, « Madeleine, tu m'as offert tes services, je les accepte. Grand Dieu, Sophie, qu'as-tu ? Notre position est désespérée. Explique-toi. Demain, ce soir peut-être, Charles sera arrêté. Ton mari ? Arrêté, te dis-je, oh mon Dieu ! Mais pourquoi ? Mais comment ? Un monstre de méchanceté que nous croyons notre bienfaiteur, Monsieur Pascal. Monsieur Pascal ? Oui, hier, je n'ai pas osé, je n'ai pas pu tout te dire, mais... Monsieur Pascal ? Répéta Madeleine. Notre sort est entre les mains de cet homme impitoyable. Il peut, il veut nous réduire à la dernière misère. Mon Dieu, que devenir ? Nos enfants, et le père de mon mari, et nous-mêmes ? « Ah, c'est horrible, c'est horrible !»« Monsieur Pascal ?» reprit la marquise avec une indignation contenue. « Le misérable ! Ah oui, je l'ai lu sur sa figure. Je l'ai vu à son insolence et à sa bassesse. Cet homme doit être impitoyable. Tu le connais ? Ce matin, je l'ai rencontré chez le prince. Ah, maintenant, je regrette d'avoir cédé au courroux, au mépris que m'inspirait cet homme. » « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé plus tôt ? C'est un malheur, Sophie, un grand malheur. »« Que veux-tu dire ? » ?»« Enfin, il n'importe. Il n'y a pas à revenir sur le passé. Mais voyons, Sophie, mon amie, ne te laisse pas abattre. Ne t'exagère rien, dis-moi tout. Peut-être trouverons-nous le moyen de conjurer le coup qui nous menace ?»« C'est impossible. Tout ce que je viens de te demander, au nom de Charles, au nom des enfants, c'est... » « Laisse-moi t'interrompre. Pourquoi dis-tu qu'il est impossible de conjurer le coup qui vous menace ?»« Monsieur Pascal est impitoyable. »« Soit. Mais quelle est votre position envers lui ?»« Il y a un an, mon mari s'est trouvé, comme tant d'autres industriels, dans une position embarrassée. Monsieur Pascal lui a offert ses services. Charles, trompé par de loyales apparences, a accepté. » Il serait trop long de t'expliquer par quel enchaînement d'affaires Charles, confiant dans les promesses de M. Pascal, s'est trouvé bientôt sous la dépendance absolue de cet homme qui pouvait, du jour au lendemain, réclamer à mon mari plus de 100 000 écus, c'est-à-dire ruiner son industrie, nous plonger dans la misère. Enfin, le jour est venu où M. Pascal, fort de ce pouvoir terrible, a mis mon mari et moi dans l'alternative d'être perdus ou de consentir à deux indignités qu'il nous imposait. L'infâme, l'infâme. Hier, lorsque tu es arrivé, il venait de nous signifier sa menace. Nous avons répondu selon notre cœur et notre honneur. Il nous a juré de se venger. Aujourd'hui, il tient parole. Nous sommes perdus, te dis-je. Il prétend, en vertu de je ne sais quel droit, faire provisoirement emprisonner Charles. Ma pensée à moi est qu'il faut, avant tout, que mon mari échappe à la prison. Il s'y refuse, disant que c'est un piège, qu'il n'a rien à craindre et que... Madeleine, qui était restée quelque temps pensive, interrompit de nouveau son amie et lui dit « Pour que vous n'ayez plus rien à redouter de M. Pascal, que faudrait-il ? Le rembourser. Et ton mari lui doit ? Plus de 100 000 écus, garantis par notre usine. Mais une fois exproprié, nous ne possédons plus rien au monde. Mon mari est déclaré en faillite et son avenir est perdu. Et il n'y a pas absolument d'autre moyen d'échapper à M. Pascal qu'en le remboursant ? Il y en a un sur lequel mon mari avait toujours compté, d'après la parole de ce méchant homme. Et ce moyen ? D'accorder 10 années à Charles pour se libérer. Et avec cette certitude ? Hélas, nous serions sauvés, mais M. Pascal veut se venger, et jamais il ne consentira à nous donner un moyen de salut. Ce triste entretien fut coupé par l'arrivée d'Antonine, qui, rayonnante et folle de joie, entra dans la chambre en disant « Madeleine, venez, venez !»« Qu'y a-t-il, mon enfant ? Une heureuse nouvelle, je le devine à ton radieux visage. » « Ah, mes amis, reprit la jeune fille, toute ma crainte est de ne pouvoir supporter un si grand bonheur. Mon oncle, le prince, consent à tout. Et le prince, si vous saviez combien il a été indulgent, paternel pour moi. Car il a voulu que j'assiste à son entretien avec mon oncle. Il m'a demandé pardon du chagrin qu'il m'avait causé en voulant s'opposer à notre mariage. Ma seule excuse, a-t-il ajouté avec la plus touchante bonté, ma seule excuse, mademoiselle Antonine, c'est que je ne vous connaissais pas. Madame la marquise de Miranda, votre amie, a commencé ma conversion. Et vous l'avez achevée. Seulement, puisqu'elle est ici, dites-vous, ayez la bonté de lui témoigner le désir que j'aurais de la remercier devant vous de m'avoir mise à même de réparer mes torts à votre égard. Ne sont-ce pas là de nobles et touchantes paroles ? Ajouta la jeune fille. « Oh, venez, Madeleine, venez, ma bienfaitrice, ma sœur, ma mère, vous, à qui Franz et moi devrons notre bonheur. Venez aussi, Sophie, » ajouta Antonine en allant prendre Madame Dutertre par la main. « N'êtes-vous pas aussi de moitié dans mon bonheur, comme vous l'avez été dans mes confidences et dans mon désespoir ?»« Ma chère enfant, » reprit Madame Dutertre en tâchant de dissimuler son abattement, « je n'ai pas besoin de te dire si je prends part à ta joie. » Mais la présence du prince m'intimiderait, et d'ailleurs, je le disais tout à l'heure à Madeleine, il me fait retourner chez moi. Je ne puis laisser trop longtemps mes enfants seuls. Allons, embrasse-moi, Antonine. Ton bonheur est assuré. Cette pensée me sera douce. Et si j'ai quelque chagrin, crois-moi, elle m'aidera à le supporter. Adieu. Si tu as quelque chose de nouveau à m'apprendre, viens me voir demain matin. Sophie, dit tout bas la marquise d'une voix ferme à son amie. Courage et espoir. Que ton mari ne parte pas. Attends-moi chez toi demain matin, toute la matinée. Que dis-tu ? Je ne puis m'expliquer davantage, seulement que l'exemple d'Antonine te donne un peu de confiance. Ce matin, elle était désespérée. La voici maintenant radieuse. Oui, grâce à toi. Allons, embrasse-moi. Et encore une fois, courage et espoir. Alors, se rapprochant d'Antonine, Madeleine lui dit : « Maintenant, mon enfant, allons retrouver le prince. » La jeune fille et la marquise quittèrent Madame Dutertre, qui, cédant malgré elle à l'accent de conviction des paroles de Madeleine, regagnait sa triste demeure avec une lueur d'espérance. Le prince attendait Madeleine dans le salon du président Hubert. Il la salua profondément et lui dit avec une affectation de politesse cérémonieuse que lui imposait la présence d'Antonine. « J'avais à cœur, Madame la marquise, de vous remercier du grand service que vous m'avez rendu. Vous m'avez mis à même d'apprécier mademoiselle Antonine Hubert comme elle méritait de l'être. Le bonheur de mon filleul Franz est à jamais assuré. Je suis convenu avec monsieur le président Hubert, qui a bien voulu y consentir, que demain matin, les fiançailles de Franz et de mademoiselle Antonine auraient lieu selon la coutume allemande, c'est-à-dire que moi et monsieur le président Hubert nous signerions, sous peine de parjure et de déloyauté, le contrat d'union que Franz et mademoiselle auront signé aux mêmes conditions. Ainsi que vous l'avez dit, Antonine, monseigneur, je n'ai fait que vous mettre sur la voie de la vérité. Antonine s'est chargée de vous prouver tout le bien, que je vous avais annoncé d'elle. « J'ai une grâce à vous demander, madame la marquise, » reprit le prince en tirant de sa poche une lettre et la remettant à Madeleine. « Vous connaissez la famille du colonel Pernetti ?»« Beaucoup, monseigneur. »« Eh bien, veuillez avoir la bonté de faire parvenir au colonel cette lettre après en avoir pris connaissance. »« Je suis certain, » ajouta l'archiduc en appuyant sur ces derniers mots, « je suis certain que vous aurez autant de plaisir à envoyer cette lettre que celui à qui elle est adressée aura de bonne heure à la recevoir. »« Je n'en doute pas, monseigneur. » Et je vous renouvelle ici mes bien sincères remerciements, dit la marquise en faisant une cérémonieuse révérence. À demain, mademoiselle Antonine, dit le prince à la jeune fille. Je vais ménager à mon pauvre Franz la bonne nouvelle que je lui apporte de peur d'une émotion trop vive, mais je suis certain, lorsqu'il saura tout, qu'il me pardonnera, comme vous, les chagrins que je lui ai causés. Et après avoir de nouveau salué Antonine et la marquise, avec qui il échangea un regard d'intelligence, le prince regagna l'Élysée Bourbon. Le lendemain matin, à 10 heures, Madeleine monta en voiture et se fit conduire d'abord chez un notaire, puis chez Pascal.